لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بالامس رجعنا ما مضى من الدروس كتعريف الصيام لغه وشرعا وشروط وجوب الصيام وبعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال. واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. وقبل ذلك إن شاء الله تعالى نراجع درس الأمس. أبقى علي الله سبحانه وتعالى في سنة بقبة مساجي صلى الله عليه وسلم disait que hier nous avons révisé les cours concernant les règles du mois de Ramadan. Et avant cela, les définitions du jeûne dans la langue arabe et religieusement parlant, puis les piliers du jeûne de Ramadan, ensuite les conditions qui rendent obligatoire à la personne le jeûne du mois de Ramadan. Et on s'est arrêté sur certaines questions se rapportant à la vision de la lune. Et nous allons réviser cela. دخول شهر رمضان يثبت بإحدى علامتين فما هما؟ Première question. L'entrée du mois de Ramadan devient effective par l'une de deux choses, par l'un de deux signes. Qu'est-ce qui nous les rappelle? Le premier, Al-Hilal, Ru'yatul Hilal, le fait de voir la lune. Donc si on voit la lune, on jeûne le lendemain. On jeûne le lendemain, ijma'an, il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce. Le deuxième signe, Alhamdulillah. Naam. On plaît les 30 jours du mois de Sha'ban. Donc on ne voit pas la lune et on arrive au 30e jour du. Du mois de Sha'ban. Donc le lendemain, on jeûnera. Ijma'an. Il y a une divergence sur un point. C'est dans le cas où le ciel ne serait pas clair et que les gens, après avoir cherché la lune, ne l'ont pas trouvée. Voyez, dans ce cas-là, les savants divergent. Et la parole la plus plausible est de dire qu'on ne jeûne pas le jour du doute. On ne jeûne pas le jour du doute et on complète Sha'ban 30 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Voyez. Une autre question, celui qui commence son jeûne dans un pays, puis voyage dans un autre pays où ils ont vu la lune plus tard, où ils ont vu la lune que le lendemain. Arrivé le jour du Eid, il arrive à, ou bien le contraire, il a jeûné dans son pays. Et arrivé dans notre pays, Naam, ils ont vu la lune plus tard. Voyez, arrivé le Mada à la fin du mois, voyez, il a un jour en plus. Il a un jour en plus, ou bien ne jeûne pas ce jour en plus, d'accord, alors que les autres sont en train de jeûner. Comment est-ce qu'il fait s'il arrive à 30 jours dans ce pays et qu'ils n'ont toujours pas vu la nouvelle lune du mois de Shawwal, car ils ont commencé le jeûne plus tard? Pour les gens de ce pays, ça fera 30 jours en tout. Mais pour lui, s'il jeûne ce jour, ça fera 31 jours. Comment est-ce qu'il devra faire? Hein? Il jeûne avec eux. Il jeûne avec eux, ça ne lui nuit pas le fait d'avoir ajouté un jour, car ça n'est pas le même compte. Il est passé à un autre compte, c'est le compte de ces gens de ce pays-là. Dans le cas contraire, s'il arrive à 28 jours, et que les gens de ce pays, eux, sont arrivés à 29 jours, ont vu la lune. Mais lui, dans son pays, ils ont vu la lune le lendemain de l'entrée du mois de Ramadan. Alors il se retrouve avec 28 jours. Est-ce qu'il doit jeûner le jour du Eid pour compléter 39 jours? Ou bien il devra rompre son jeûne? Ah, ok, il fait Eid. Ahsan, barakallahu fiqh. Il ne jeûne pas son 29e jour, le jour du Eid. Il fait le Eid avec les gens de ce pays, puis il devra rattraper après un jour. Puis après cela, il devra rattraper un jour. Voyez. Al-Niyya, ce qu'on a vu, la mas'ala de Al-Niyya, l'intention. À quel moment celui qui jeûne un jeûne obligatoire doit mettre son intention? Quelle est la limite? Non. Avant le fajr, il doit obligatoirement mettre son intention avant le fajr. Voyez, si il n'a pas mis l'intention avant le fajr de jeûner un jeûne obligatoire, comme le jeûne de Ramadan, par exemple, et que le jour est entré, il a mis ensuite seulement son intention, est-ce que ce jeûne du mois de Ramadan, ce jour de Ramadan, lui sera comptabilisé, ou bien est-ce qu'il devra le rattraper? Indamen, qu'est-ce qui répond à cette question? Il devra le rattraper. Il devra le rattraper. Pour un jeûne obligatoire, la limite de ton intention, c'est Al-Fajr. Tu dois avoir mis ton intention avant le Fajr. Donc pour le mois de Ramadan, tu dois mettre ton intention dans la limite avant le Fajr. Si tu n'as pas mis ton intention pour jeûner Ramadan avant le Fajr, le jour que tu vas jeûner ne sera pas comptabilisé, tu devras le rattraper. Tu devras le rattraper car Al-Niyya, c'est un des deux piliers du jeûne. Al-Niyya wa al-Imsak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yubayyit an-niyya min al-layl fala sawma lah » Celui qui n'a pas mis l'intention dans la nuit, il n'a pas de jeûne. C'est-à-dire comptabilisé, valide. Vous voyez? Est-ce que c'est la même chose pour le jeûne surérogatoire? Jusqu'à quel moment il peut mettre l'intention dans le jeûne surérogatoire? Et s'il met la niya, ou plutôt s'il met la niya, ba'd al-fajr, de jeûner un jeûne surérogatoire. Par exemple, mina sunna, le fait de beaucoup jeûner dans le mois de Sha'ban. D'accord? La personne arrivée, par exemple, à 7h du matin, se dit « je vais jeûner ». Elle met l'intention de jeûner ce jour. Est-ce que c'est possible ou pas? Non? Non, c'est possible, parce que c'est un jeûne surérogatoire. On a cité une condition. Laquelle? Bichard. À condition qu'il n'ait pas pris une chose qui annule le jeûne. D'accord? S'il a mangé avant cela, il ne pourra pas jeûner ce jour ou approcher son épouse, ainsi de suite. Est-ce que le jeûneur dans le mois de Ramadan doit mettre une niya chaque jour ou pas? Non. C'est recommandé de mettre une niya chaque jour. Mais l'obligation, c'est de mettre une niya pour le mois, au début du mois, de mettre une niya. D'accord? Sauf dans un cas. Lequel? S'il a coupé son jeûne, hein, il devra jadid niya. Il devra renouveler son intention. Comme celui qui, par exemple, a voyagé. Et un jour durant son voyage, il a décidé de ne pas jeûner. D'accord? Lorsqu'il va reprendre son jeûne, est-ce qu'il va se suffire de l'intention du début du mois ou bien il devra remettre une niya? Il devra remettre une niya. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un inqita'. ou à l'image de la femme qui a eu ses menstrues. Lorsqu'elle va se purifier ainsi de suite, elle devra remettre une intention. Taïb. On continue. Al-a'dhar al-mubihatu lil-fitr fi Ramadan. Là, ce dans quoi nous entrons, ce sont les excuses qui permettent à la personne de rompre son jeûne dans le mois de Ramadan. Les excuses qui permettent à la personne de rompre son jeûne dans le mois de Ramadan. Après avoir parlé dans l'introduction du jugement du jeûne du mois de Ramadan, que c'est l'obligation, c'est même un pilier de l'islam, et avoir exposé les preuves du Coran, de la Sunna et le consensus des savants, ici, les gens de science ont mis un chapitre pour montrer qu'il y a des cas où la personne peut rompre son jeûne, a la permission religieusement parlant de rompre son jeûne. Al-amr al-awwal, al-marad wal-kibar. Premièrement, la maladie et la vieillesse. Premièrement, la maladie et la vieillesse. والمقصود بالمرض المرض الذي يشق على المرء معه الصوم. Ça n'est pas n'importe quelle maladie. C'est la maladie qui rendrait difficile le jeûne de la personne. C'est la maladie qui rendrait difficile le jeûne ou avec laquelle la personne serait incapable de jeûner ce jour. Donc si une personne qui est malade vient nous voir et nous dit « Je veux rompre mon jeûne car je suis malade. » On lui dit « Poursuis ton jeûne si tu en es capable. » S'il nous dit « Je suis malade et ceci et cela, yani véritablement il est malade, ça repousse sa guérison ou il doit prendre des médicaments et ainsi de suite, alors dans ce cas-là, il peut couper son jeûne et il ne prend aucun péché. » Il coupe son jeûne et il ne prend aucun péché. Mada al-kibar, la vieillesse. Certaines personnes arrivent à un âge avancé au point de ne plus pouvoir jeûner. Au point de ne plus pouvoir jeûner. Même si une chose étonnante qu'on observe régulièrement, c'est que les personnes âgées arrivent mieux à jeûner, à supporter le jeûne que les jeunes. Vous voyez ? Que les adolescents. Vous voyez ? Et celui qui a une maladie passagère devra par la suite, bien évidemment, rattraper son jeûne. Il devra par la suite rattraper son jeûne. Concernant la personne âgée qui ne peut plus jeûner, dans son cas, elle devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Dans son cas, ut'im miskina li kulli yawm. Donc si dans le mois il y a eu 29 jours, elle devra nourrir 29 pauvres. Si dans le mois il y a eu 30 jours, elle devra nourrir 30 pauvres. On a expliqué dans des cours passés comment nourrir et qu'elle ne devait pas nourrir avant l'entrée du Fajr. Elle ne devait pas nourrir avant l'entrée du Fajr. Elle a la permission de réunir entre des jours passés, semaine après semaine ou bien même la fin du mois comme le faisait Anas ibn Malik radiallahu anhu. Tayyib. Donc elle a dit yuftir wa yut'im, comme a dit Ibn Abbas radiallahu anhu. Le point suivant est safar. Safar yubih al-fitr lil musafir. Wala nas'alu an sabab safari. Wala nas'aluhu ayna yadhhab. Ma dama musafiran yajuzu lahu al-fitr. Le deuxième point qui permet à la personne de rompre son jeûne, c'est le voyage. Celui qui voyage a la permission de rompre son jeûne. S'il veut, il jeûne, et son jeûne est valable. Et s'il veut, il coupe son jeûne, et il a la permission. Et on a expliqué quelle est la meilleure chose à faire. C'est le plus facile pour lui. C'est le plus simple pour lui. La preuve de tout cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. celui qui parmi vous est malade ou bien en voyage devra rattraper un nombre de jours égal. Ici, il y a une chose qui est sous-entendue, c'est fa'afra. Celui qui est malade ou en voyage et a coupé son jeûne devra rattraper un nombre de jours égal. Mais celui qui a jeûné en étant malade ou en étant en voyage, son jeûne est valable. Son jeûne est valable et il n'aura donc pas à le rattraper. Al-sababu thalith, wujud al-hayd wa al-nifas. La troisième cause qui permet de rompre son jeûne, c'est une chose propre à la femme, c'est l'apparition des menstrues ou bien des lochies. La femme qui a ses menstrues, même si cela apparaît 5 minutes avant le maghrib, cela annule son jeûne. Cela annule son jeûne, elle devra rattraper ce jour. Même si c'est une minute avant Ghurub al-Shams. Même si c'est une minute avant que le soleil ne se couche. Tout comme elle a l'obligation de jeûner si elle est purifiée même une minute avant le Fajr. Et une question qui peut revenir, qui revient, c'est si la femme n'a pas fait le ghusl de la fin des menstrues et que le Fajr, et qu'elle s'est, donc, que son, qu'elle soit purifiée avant Al-Fajr, mais qu'elle n'a pas fait Al-Ghusl avant le Fajr. Est-ce qu'elle jeûne ce jour ou pas? Donc je répète, une question qui est posée souvent est la femme qui a l'interruption de ses menstrues avant le Fajr, mais qui n'a pas fait le lavage avant le Fajr. Est-ce qu'elle pourra entamer ce jour de jeûne ou pas? Premièrement, comment savoir que ces menstrues se sont arrêtées? Taïeb, comment juger que telle femme est pure? Les femmes connaissent cela. Taïeb, sinon, il y a deux choses. L'une de deux choses. La première, c'est al-jafaf al-tam. Comme on dit le fuqaha, les jurisconsultes disent que la première chose par laquelle on juge que ces menstrues sont arrêtées, c'est la sécheresse totale. Donc l'arrêt total de l'écoulement de ce total. Donc s'il reste encore des traces, elle devra, madame ne devra pas jeûner. Le deuxième point, c'est madame, quelque chose de blanc qui sort, les femmes connaissent cela. Naam. Donc la femme qui, dont le sang s'est arrêté avant le Fajr, mais qui n'a pas fait le rousse avant le Fajr, la yadurru hadhalik. Cela ne lui nuit en rien, elle jeûne ce jour. Elle fait le rousse, tout salli le Fajr, et elle jeûne ce jour. D'accord? Elle doit jeûner ce jour, elle a l'obligation de jeûner ce jour. Quelle est la preuve qui montre que la femme ne jeûne pas ayant ses menstrues ou ses lochies? Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que lorsque vous avez vos menstrues, vous ne priez pas ni ne jeûnez. Et le hadith d'Aïcha radiallahu anha dans lequel elle dit, on nous ordonnait, lorsque nous avions nos menstrues, de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Ça montre que la femme en état de maza, d'endurance à perte menstruelle, ne jeûne pas le mois de Ramadan. Et si elle jeûne, c'est haram. Si elle jeûne, c'est haram. La femme qui a ses menstrues, si elle jeûne, c'est haram. C'est un péché, c'est haram de jeûner. Taïeb, en état de menstrues. Taïeb. Le quatrième point, al-haml wa al-rida'a. La grossesse et l'allaitement. Donc le quatrième point qui permet de rompre le jeûne, c'est la grossesse et l'allaitement. La femme qui est enceinte et qui nous dit est-ce que je jeûne ou je ne jeûne pas, on lui dit ça dépend de son état de santé. Si elle se sent capable de jeûner, elle jeûne. D'accord? Mais dans le cas où elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant, qu'elle sache qu'elle a la permission de ne pas jeûner. Ou bien de rompre un jeûne qu'elle a entamé. Vous voyez la différence? Elle a le droit de ne pas jeûner à la base même. Bima'ana, elle ne commence pas à jeûner au Fajr. Mais elle a le droit aussi de jeûner Puis, ayant trouvé une difficulté de rompre son jeûne en plein milieu de la journée, ou une heure après, ou une minute avant le maghrib. Voilà. Faïd. Ensuite, est-ce que médicalement parlant, la femme peut jeûner? Je ne suis pas médecin, mais j'ai fait peu d'études paramédicales et j'ai posé la question à médecin musulman, médecin kafir. Et la réponse est que oui, la femme peut jeûner du fait qu'elle a des réserves. Et ça ne nuit donc pas à l'enfant, sauf dans des cas particuliers. La femme peut jeûner étant enceinte. Vous voyez, cela a été dit par les médecins, par les savants de science, et même, et rien, c'est des choses qu'on a vues. Les femmes jeûnent tout en étant enceintes, et ça ne pose pas de problème. Maintenant, si elle voit d'elle-même qu'elle n'est pas capable, ou que ça lui, elle a peur que ça lui fasse un mal à elle ou à son enfant, qu'elle sache qu'elle a la permission de jeûner. Est-ce que, pardon, la permission de rompre son jeûne? Si elle craint pour elle, elle peut rompre son jeûne. Si elle craint pour l'enfant, elle peut rompre son jeûne. À plus forte raison, si elle craint pour elle et l'enfant en même temps, elle peut rompre son jeûne. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle devra se comporter? Est-ce qu'elle doit rattraper ses jours? Est-ce qu'elle doit nourrir pendant le mois de Ramadan pour chaque jour un pauvre? Ou est-ce qu'elle doit faire les deux? C'est-à-dire rattraper et nourrir pour chaque jour. Ou bien juste nourrir et ne pas rattraper ses jours de jeûne. Il y a une grande divergence entre les savants dans cette mas'ala. Un des avis les plus forts est de dire qu'elle doit rattraper. Car elle a une ressemblance avec le malade. Elle doit rattraper, car elle a une ressemblance avec le malade. Il n'y a pas de preuve forte, comme ont dit certains savants, stipulant qu'elle doit aussi nourrir des pauvres. Aussi nourrir des pauvres. Et certains savants ont dit, وَهَذَا أَحْوَاتَ. C'est une sécurité. Le mieux pour elle, c'est qu'elle rattrape. Ça, c'est obligatoire. Et qu'elle nourrisse un pauvre dans le doute. Pour sortir de la divergence. Donc, si elle veut nourrir un pauvre dans le doute, elle peut le faire. Mais, de là à dire que ça lui est obligatoire, pour cela, on a besoin d'une preuve forte. Certains parmi les savants, Ibn al-Hanabila, disent que si elle craint pour elle et qu'elle a rompu son jeûne, alors elle rattrape seulement. Mais si c'était pour l'enfant qu'elle a rompu son jeûne, elle doit rattraper et en plus nourrir un pauvre. Voyez. Idan qala ba'du ahli al-'ilm al-hamil idha khafat 'ala nafsiha tuftir wa taqwi wa laysa 'alayha ghayra dhalik. Wa in khafat على نفسها وولدها أو على ولدها تفطر تقضي وتطعم بكل يوم مسكينا. طيب هذا هو. Et certains savants utilisent un hasard de compagnon pour dire que la femme qui est enceinte, elle peut ne pas rattraper son jeûne si elle ne jeûne pas, mais elle nourrit pour chaque jour un peu. Certains savants ont dit de faire cela n'est pas la sécurité. Parce que si c'était pas ça le bon avis, elle se retrouvera avec des jours. Elle se retrouvera avec des jours yom al-qiyama qu'elle n'a pas jeûné. Donc elle sera à la khata, en danger. Taïb. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wada'ani al-musafir shatr as-salah. والصوم عن الحبلى والمرضيع. Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a enlevé pour le voyageur la moitié de la prière. Par exemple, le soir lorsqu'on est en voyage, on prie combien de rak'a? On en prie deux pour l'asr, deux l'isha, deux et le fajr le maghrib, ça ne change pas. طيب. Maza est pour le et a enlevé le jeûne pour la femme enceinte et la femme qui allait. Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est authentique. Taïb. Une chose qui revient souvent, certaines personnes disent, par exemple, j'ai un peu mal à la tête, ou bien un petit peu mal au pied, ainsi de suite, et demandent est-ce qu'elles peuvent couper le jeûne. On dit non. La personne qui peut jeûner, elle doit jeûner. Taïb, la personne doit être véridique. La personne doit être véridique. et ne pas aller à gauche ou à gauche. Voyez, elle, jeune, si elle en a la capacité. Si elle n'en a pas la capacité, chaque personne sait si elle est capable ou pas. Chaque personne sait si elle est capable ou pas. C'est pas quelqu'un de te dire tu es capable ou tu n'es pas capable. C'est toi qui sais si tu en es capable ou pas. طيب ما هي المفطرات اي الامور التي اذا فعلتها الصائم نقض صومه. طيب quels sont les annulatifs du jeûne, c'est-à-dire les choses qui, si elles sont commises par le jeûneur, annuleront son jeûne. المفطرات تنقسم الى قسمين. المفطرات على نوعين اثنين. أولا ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. Premièrement, sachez que les annulatifs du jeûne sont de deux sortes. La première sorte, ceux qui annulent le jeûne et rend obligatoire le fait de rattraper ce jeûne sans ajouter à cela. Est-ce que c'est clair? Donc ça annule son jour et il a l'obligation de le rattraper. Il a l'obligation de le rattraper. La deuxième sorte est ce qui annule le jeûne de la personne. Elle se voit dans l'obligation de rattraper ce jour. Et en plus de cela, elle a une expiation. En plus de cela, elle a el kafar, une expiation. Elle devra s'acquitter d'une action. Taïm. Et pour le deuxième point, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. Et on commence par le premier point, c'est-à-dire ce qui annule le jeûne de la personne et lui rend obligatoire le fait de rattraper ce jour. Premièrement, le fait de manger et de boire volontairement. Pourquoi est-ce qu'on a dit « amdan » ?« Limadha ihtarazna bi hadhihi al-lafza amdan » ?« Li'anna alladhi akala nasiyan la yu'tabar muftira » Pourquoi est-ce qu'on dit volontairement? Car celui qui a mangé ou qui a bu, par exemple, par oubli, ça n'annule pas son jeûne. Cela n'annule pas son jeûne. Il devra poursuivre son jeûne et il est bon. Naam. قال الله وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Voyez, donc l'entrée, tu as le droit de manger de boire jusqu'à le fajr, jusqu'à l'entrée du fajr. Donc celui qui mange après l'entrée du fajr, il aura annulé son jeûne. Celui qui mange avant le maghrib aura annulé son jeûne. Wa yadkhulu fi hadha al-hukm ma huwa fi ma'na كالإبر المغذيات. طيب. Entre dans ce premier point, le sens de manger et boire, ce qu'on appelle les ماذا, les piqûres nutritives, comme cela que nous disons. Naam. Ce qui nourrit la personne. Mais autre que cela, beaucoup de savants voient que ça ne coupe pas le jeûne. Donc celui qui reçoit une piqûre, qui va au médecin, et qu'avec cela, ça lui donne des forces ou ça le nourrit, il aura coupé son jeûne car ça a le sens de manger et de boire. Est-ce que c'est wadih? Tayyib. Amma man akala madha nasiyan ou mukrahan hada la madha yufattir hada la yufattir. Donc celui qui mange ou qui boit, mais par oubli, cela n'annule pas son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, من أكل أو من هو صائم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela est testé par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumallah, celui qui a mangé, celui qui est en état de jeûne, et qui a mangé ou bu par oubli, qu'il poursuive son jeûne, qu'il poursuive son jeûne, car certes c'est Allah qui l'a nourri ou abreuvé. Donc celui qui est en état de jeûne, au milieu de la journée, à un autre moment, par oubli, il a tellement l'habitude de manger, ou bien il est gourmand ou autre, il mange, ou bien il boit. Plus tard, il se rend compte qu'il a bu et mangé en état de jeûne. Ou bien au moment où il boit et mange, il se rend compte de cela. Qu'est-ce qu'il devra faire ? Arrêter immédiatement. Arrêter immédiatement, et poursuivre son jeûne. Il ne doit pas couper son jeûne. Il poursuit son jeûne. Par contre, si après s'en être rappelé, par exemple, il a épluché une clémentine, il a mangé, et un zikarchi, il en reste un. Il se rappelle, il en reste un, il l'a dans la main, et il le mange. Il poursuit son jeûne lui aussi, ou bien khalas? Hein? Lui, il a mangé le quartier de trop, khalas. Il a annulé son jeûne et il doit rattraper ce jour. Il doit faire tawba. Et il a fait quelque chose de grave. Il a fait quelque chose de grave. Certains savants voient que celui qui fait ça, il ne pourra jamais rattraper ce jour. Même s'il jeûne toute sa vie, ça ne remboursera pas ce jour qu'il a rompu volontairement. Subhanallah. Donc, c'est pas une chose à prendre à la légère. Celui qui boit et mange volontairement, il aura fait quelque chose de grave. Mais celui qui fait cela avec ou par oubli, Allah Azza wa Jal ne compte pas malgré les actions de celui qui a fait cela par oubli. Taïb. Tout ce qui atteint, kullu ma wasala al-ma'ida, tout ce qui atteint l'estomac, taïb, même si, yani, walaw. يعني عن طريق الأنف مثلا طيب يدخل في هذا الحكم tout ce qui atteint l'estomac même si ça n'est pas par la bouche aura le même jugement par exemple par le nez celui qui fait entrer quelque chose par le nez ça annule son jeûne si ça rentre voilà. Quelle est la preuve que le nez c'est un chemin qui peut annuler le jeûne? Qui a une preuve pour ça? Man yastahdhir dalilan ala anna al-anf manfad. Ahsant, barakallahu fik. Al-hadith alladhi qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi madha balighu fi al-istinshaq wal madmada illa an takuna sa'imin. Donc exagérez lorsque vous lavez la bouche et le nez lorsque vous faites les ablutions sauf si vous êtes en état de jeûne. Sauf si vous êtes en état de jeûne. Voyez. Al-amru thani, donc on avait l'akl wa shurb. Wa ma yadkhul fi nafsi al-hukm. Al-amru thani, al-taqayyu amdan. Le fait de se faire vomir. C'est le deuxième annulatif du jeûne. Le fait de se faire vomir volontairement. Pourquoi est-ce qu'on dit volontairement? Car celui qui vomit involontairement, cela n'annule pas son jeûne. Vous avez tous retenu, transmettez-le, comme ça, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Personne ne vient poser cette question. J'ai vomi, j'étais malade, j'ai vomi, est-ce que ça coupe mon jeûne ou pas? C'est quoi la réponse? Ça ne coupe pas ton jeûne. Khalas, tous les Ramadanat, on n'entend plus cette question, là. Vous transmettez cette question, cette réponse. Wadah? Tayyib. Même si on sait que malgré ça, les gens vont venir poser la question, mais khayr inshallah. Tayyib. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرع القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. قال الإمام الألباني صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: celui qui se fait vomir, taïb, celui qui se fait vomir, ou plutôt là, من ضرع عليه قيد فلا يقضي فليس عليه قضاء. Celui qui a vomi n'a pas à rattraper son jeûne. Celui qui a vomi n'a pas à rattraper son jeûne. Et celui qui s'est fait vomir doit rattraper son jeûne. C'est wadah. Donc, celui qui a vomi étant malade ou autre, il se rince la bouche, il fait en sorte de mada, que ça ne rentre pas autant que possible, puis il poursuit son jeûne. Mais celui qui s'est fait vomir, comment se faire vomir? Il y a plusieurs tariqs, hein. Le fait de mettre, d'enfoncer ses doigts dans sa gorge. Les savants disent aussi, un tariqat ishan, le fait de sentir, le fait de sentir une odeur nauséabonde dont la personne a connaissance que cela l'a fait vomir. Elle fait cela volontairement. Ben, ça coupe son jeûne s'il vomit. Celui qui sait que en regardant telle chose, ça le fait vomir, et s'il regarde cette chose pour se faire vomir, ça annule son jeûne. Avec les odeurs, avec Mada, avec la vue ou avec les doigts, et ainsi de suite. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, al-hijab, la saignée. Taïb, la saignée, c'est une chose connue. Ikhraj al-dam min al-jild dun al-ghuruq. Al-hijab, c'est le fait d'enlever le mauvais sang. D'accord? D'émettre une pression pour réunir le sang sur la peau, d'accord, sous la peau, puis d'ouvrir avec un objet tranchant et d'aspirer le mauvais sang. C'est une méthode médicale pour enlever le mauvais sang. C'est une chose connue, Mada, c'est une chose connue du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant et même de nos jours. Al-hijama, c'est une très bonne chose. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أفطر الحاجم والمحجوم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, comme l'imam Abu Daoud a cité dans son recueil, l'imam Al-Albani dit que ce hadith-là est authentique, aura annulé son jeûne celui à qui on fait le hijama et celui qui l'a fait. D'accord? Donc le patient et l'infirmier, si vous voulez. Voilà. Celui à qui on fait le hijab, ça annule son jeûne. Et l'homme qui fait le hijab, qui pompe le sang, lui aussi aura annulé son jeûne. Pour le premier, on lui aura enlevé du sang, il sera faible, et ça n'est pas un état qui va avec le jeûne. Et il y a le hadith qui est explicite quant au fait qu'il a rompu son jeûne. Concernant l'homme qui pratique la hijama, celui qui a l'instrument et qui enlève le mauvais sang. Certains savants expliquaient en disant qu'il aura annulé son jeûne s'il pratique cela à la manière ancienne, dans laquelle il aspire avec sa bouche. C'est lui qui annule son jeûne. Par contre, celui qui utilise des instruments où il n'y a pas de lien direct avec le sang, alors il n'aura pas annulé son jeûne. Alors il n'aura pas annulé son jeûne. Et sur cela, il y a une divergence pour le hijab. Taïb. Et le khilaf est qawi. Le khilaf, il est. Et ce n'est pas une petite divergence. Le point suivant, donc on a vu l'akl wa shurb. On a vu le fait de. Le fait de se faire vomir. On a vu ikhraj al-dam, yani al-hijama, al-hajim al-mahjoum. Puis après cela, al-wujub al-hayd wa al-nifas, l'apparition, bien l'écoulement, mada, des menstrues ou des lochis. Ça y est, bon, là, c'est déjà c'était l'épreuve. Le point suivant qui annule le jeûne, niyatul fitr, avoir l'intention de couper son jeûne. Innama al-a'malu bin-niyyat. Celui qui met l'intention de couper son jeûne pourra couper son jeûne. Taïb al-azima. Pas celui qui se dit avoir l'intention de faire la chose. Regardez la différence. Le premier, il met dans son cœur, khalas, ana muftir. Je coupe mon jeûne. Sans boire, sans manger, sans rien. il a l'intention, il se dit, je coupe mon jeûne, khalas, son jeûne est interrompu. Est-ce que c'est wadih? Par contre, celui qui dit, il étant en voyage, j'ai très soif. Quand je vais arriver à l'hôtel, je vais boire de l'eau. Lui, il a l'intention de boire de l'eau lorsqu'il arrivera à l'hôtel. Est-ce que cette intention suffit pour rompre son jeûne? Ou bien il aura rompu son jeûne qu'en buvant l'eau? Qu'est-ce qu'il répond? Que s'il boit l'eau. Que s'il boit l'eau. D'accord? Parce qu'il n'a pas interrompu son jeûne avec sa nuit. Il dit avoir l'intention de boire de l'eau quand il arrivera à l'hôtel. C'est pas la même chose de, que avoir la niya de couper. Yani, il a coupé son jeûne avec sa niya. Voilà. Donc, niyatul fitr et niyatul iradatul fitr. Il y en a un qui coupe son jeûne avec son intention. Il y en a un et le deuxième a l'intention qui est rattaché à une chose pour couper son jeûne. Tant qu'il ne fait pas cette chose-là, il n'aura pas coupé son jeûne. Tant qu'il ne fait pas cette chose-là, il n'aura pas coupé son jeûne. Par exemple, il est en voyage. A faim. Mais il n'y a personne pour faire à manger, il ne trouve pas à manger. Alors il jeûne. Et il se dit, si je trouve de quoi manger, je vais couper mon jeûne. Est-ce que cette simple idée annule son jeûne, ou bien il lui faudra manger pour annuler son jeûne? Il lui faudra manger. Il lui faudra manger. Et on a vu qu'un niya, c'est un pilier du jeûne. Donc celui à qui il manque un pilier, son jeûne ne sera pas valable. Le point suivant qui entre dans les annulatifs du jeûne est ridda, l'apostasie ou l'iyad billah, le fait de sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que ça annule toutes les actions. Qala Allah, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Et s'il nous avait donné des associés, cela aurait annulé toutes leurs actions. Ensuite, inzal al-mani amdan ou naqul ikhtiyaran. L'annulatif suivant, c'est le fait de faire sortir son liquide volontairement. Le fait de faire sortir son liquide volontairement. Et cela, quelle que soit la cause empruntée pour faire sortir son liquide, que ce soit en utilisant la masturbation, et cela est haram, durant le jeûne du mois de Ramadan ou en dehors du jeûne de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit en Coran, dans Surat Mada al-Ma'arij, Mada al-Ma'arij, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله عز وجل في القرآن والذين هم لفروجهم حافظون. Ceux qui préservent leur partie entière, c'est-à-dire ne commettent pas la fornication ni l'adultère, exception faite de leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ceux-là ne sont pas blâmables. Ceux-là ne sont pas blâmables. Washahid, celui qui recherche après cela, qui dépasse ces limites-là, voici ceux qui auront transgressé. Voici ceux qui auront transgressé. Donc de ce verset, les savants ont tiré l'interdiction de faire sortir son liquide de cette manière, muharrama. Donc que ce soit avec la masturbation, et cela, comme nous avons cité, c'est haram, pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Que la manière, que la personne soit mariée ou célibataire, et ainsi de suite. Que ce soit bitakbir, par exemple, en embrassant son épouse. Si cela l'amène à faire sortir son liquide, il aura annulé son jeûne. Que ce soit de par des attouchements. Si ça amène à sortir son liquide, il aura annulé son vœu. Donc quelle que soit la manière empruntée, et qu'il ait eu dans cela le choix, c'est pour ça qu'on a dit ikhtiyar, celui qui fait sortir son liquide en ayant eu le choix, c'est-à-dire qu'il a fait cela volontairement, c'est lui qui a fait les causes pour, voyez, même si c'est bin nazar, ou on appelle bin tikrar nazar, même si c'est en répétant le regard. Celui qui regarde une femme, et ça c'est muharram, car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah Azza wa Jalla dans le Coran a ordonné aux croyants de baisser le regard, c'est-à-dire devant les femmes, tout comme il a ordonné aux femmes de baisser le regard. Pourquoi on a dit celui qui répète le regard? Car le premier regard est excusé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la kal'oula, tu as le premier regard. C'est-à-dire, cela ne t'est pas compté. Cela ne t'est pas compté. Car tes yeux peuvent tomber sur une chose involontairement. D'accord? Mais le fait de regarder à nouveau, c'est dans cela que tu prends le péché. Ensuite, si la personne a regardé et réitéré ce regard au point où son liquide est sorti, ben ça annule son jeûne. Ça annule son jeûne. Dans le cas contraire, il devra se repentir et il a fait un péché. Naam. Taïeb. Celui qui regarde que une seule fois, mais persiste. Il regarde et reste fixé, figé. Taïeb. Les savants ont dit que ça rentre dans tikrar al-nazar. Les savants ont dit que ça rentre dans celui qui a répété le regard et ça peut être pire. Et ça peut être pire. Taïeb. La preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit, قال الله تعالى dans sa hadith Qudusi, يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit dans le hadith Qudusi, afwan, il délaisse sa nourriture ainsi que sa boisson et son désir, son plaisir, pour moi. Donc durant le jeûne, la personne délaisse la nourriture, la boisson et ses plaisirs. Pour moi. Allah Azza wa Jal dit pour moi. Et sans aucun doute, celui qui fait sortir son liquide n'a pas délaissé. N'a pas délaissé son plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les annulatifs du jeûne en entrant dans la première catégorie. Quelle est la première catégorie? Ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le fait de rattraper ce jeûne. On entre maintenant dans la deuxième catégorie. Quelle est la deuxième catégorie? Ce qui annule le jeûne rend obligatoire le fait de le rattraper. Et en plus de cela, il y a une expiation. J'ai cité auparavant qu'il n'y a qu'un seul point. C'est al-jima'. C'est avoir un rapport sexuel. Ça annule le jeûne, premièrement. Deuxièmement, il a fait un grand péché. Troisièmement, il doit faire tauba, il doit se repentir. Et quatrièmement, il y a une expiation. Quatrièmement, il y a une expiation. Idhan yubtilu siyam wa yujibu al-qada wal-kafar. La personne qui tombe dans cela. Donc, il a un rapport dans la journée de Ramadan. Il a un rapport dans la journée de Ramadan. Cette personne, on lui dit, tu as fait un grand péché, tu dois te repentir. Et s'il nous demande quelles sont les conditions du repentir, on lui répondra, premièrement, délaisser ce péché, sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Donc, al-ikhlas, tarkudzam, al-ikhla'an-dzam, le fait de délaisser le péché. Troisièmement, al-azm ala adam al-awda ilay, la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché et qu'il passe se repentir dans le temps où cela est encore accepté, c'est-à-dire avant l'agonie, lorsque l'âme est en train de sortir, ton repentir n'est plus accepté, ou bien si le soleil se lève de l'autre côté. À ce moment-là, on ferme la porte du repentir. Wallahu musta'an. Donc il se repent. Ensuite on lui dit tu dois rattraper ce jour. À la base, celui qui rattrape un jour de jeûne, qu'il n'a pas jeûné, car il avait la permission religieuse, il a un an ou bien 11 mois pour le rattraper. Ça, il a 11 mois pour le rattraper. Il a jusqu'à la fin de Sha'ban, donc avant Ramadan. Mais cette personne-là, yajib alayhi al-qada fawran, il a l'obligation de rattraper son jeûne, mais il n'a pas un an. Il doit rattraper immédiatement après l'Aïd. Il doit attraper immédiatement après l'Aïd. Taïm. Quelle est la kafara? Quelle est l'expiation? Dans le hadith d'Abu Hurayra, qui est connu, il nous dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un bédouin est arrivé. Thaïr Ras. Mada faqala ya Rasulallah halakt. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك أي ما هلكك قال وقعت على أهلي في نهار رمضان أو أنا صائم أنا un bédouin. Les bédouins c'est ceux qui ont le bar. Les bédouins sont ceux qui vivent dans la campagne. Et venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit au messager d'Allah je suis anéanti, me voilà anéanti. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit comment ça? Qu'est-ce qui a causé ton anéantissement? Il lui a répondu, j'ai eu des rapports avec mon épouse durant la journée de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et de cela on va tirer l'expiation, affranchir l'islam. Il a dit, je n'ai pas, je ne peux pas. Thumma qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasu shahrayn mutatabi'ayn. Alors jeûne 2 mois consécutifs. فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ فِي نَهَارَ رَمَضَانَ. Il lui a dit au messager d'Allah, je n'en ai pas la capacité. Et est-ce que mon péché, je l'ai commis si ce n'est dans la journée de Ramadan? Vous avez compris, Ali, je suis tombé dans ce péché-là alors que j'étais en état de jeûne. Comment est-ce que je pourrais jeûner 2 mois consécutifs sans approcher mon épouse? طيب. Ensuite, le prophète sallam lui a dit, فَأَطْعِمْ سِدِّينَ مِسْكِينَ. Alors nourrit 60 pauvres. Et lui a dit, la asadiyah, je n'en ai pas la capacité. Yani, c'était quelqu'un de pauvre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Puis, on lui a amené un seau de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aïna sa'i, où est celui qui me posait les questions? قال انا يا رسول الله ها انا ذا يا رسول الله او هنا يا رسول الله je suis là au messager d'Allah. Prophète صلى الله عليه وسلم l'a appelé et il lui a dit خذ هذا وتصدق به. Il lui a dit tiens prends cela et donne-le en aumône, fais des aumônes avec. L'homme est parti, puis il s'est retourné et s'est dirigé vers le prophète صلى الله عليه وسلم en lui disant او علي او على افقر مني يا رسول الله يا رسول الله. Est-ce que je dois donner cela en aumône à plus pauvre que moi, messager d'Allah? فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهِ مَاذَا لَابَتَيْهِ مَاذَا أَفْقَرْ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Wallah, il n'y a pas entre les deux valeurs plus pauvre que ma famille au messager d'Allah. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَطْعِمْ بِهَا أَهْلَكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque cet homme lui a dit il n'y a pas plus pauvre que nous au messager d'Allah, il lui a dit en souriant jusqu'à ce qu'on ait vu ses canines, mada, ou plutôt ses mollets, na'am, donne-le donc en aumône à ta famille, donne-le en aumône à ta famille. Les savants dit de ce hadith on tire quoi? El faraj ba'dashid, la délivrance après la difficulté. Pourquoi est-ce que le prophète a souri? Parce que la situation elle est étonnante. Quelqu'un qui vient après avoir fait un péché, il repart avec une sadaqa pour sa famille. On n'a jamais vu ça. Quand tu fais un péché, il n'y a que du mal après. Mais celui qui regrette, celui qui se repent et qui revient vers Allah Azza wa Jal, ce péché, ce même péché peut être la cause qui rentre fil Jannah, comme a expliqué Ibn al-Qayyim. Il dit, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, La personne fait un péché, par ce péché rentre fil djanna. Et d'autres font une bonne action, par cette bonne action entrent en enfer. Alors les gens ont dit, comment ça? Comment est-ce possible? La première explication pour celui qui fait le péché, il fait le péché et ensuite il regrette toute sa vie. Il ne cesse de voir ce péché entre ses deux yeux. Il regrette, il s'humilie devant Allah Azza wa Jalla. Il se voit faible, il se voit comme un serviteur désobéissant envers son, et Ali qui a désobéi envers son maître qui lui a donné que du bien toute sa vie. Alors il regrette tellement qu'il fait suivre de cela beaucoup de bonnes actions. Il fait beaucoup de bonnes actions, il ne cesse de faire de bonnes actions jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla le fasse rentrer fil Jannah, alors qu'à la base c'était quoi la cause? Un péché. Le contraire, c'est quoi? C'est un homme qui a fait une bonne action. Mais yamun wal'iyadu billah, il se vante. Hein? Il se vante de sa bonne action. Et il dit, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Hein? Il s'enorgueille, il se gonfle d'orgueil. Et il se vante de son action jusqu'à ce qu'on annule ses actions et qu'on le fait rentrer en enfer. Jusqu'à ce qu'on fasse entrer en enfer wal'iyadu billah. Cet homme-là est venu après avoir commis un péché grave. Quel est le remède? C'est le repentir. Et regardez le comportement de cet homme. Il est revenu au plus savant. Il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver sa réponse. Quand tu as un problème, reviens vers Allah azza wa jalla. Et tu as besoin de science pour savoir comment revenir vers Allah azza wa jalla. Alors tu poses ta question au genre de science. Regardez cet homme-là. À l'image de l'homme qui a tué les 99 personnes. Hein? Lorsqu'il est parti voir le savant après avoir tué 100 personnes, il l'a bien orienté. Et par la suite, Allah lui a fait miséricorde. Alors que l'ignorant lui a dit, tu ne peux pas te repentir, tu as tué 99 personnes, tu ne peux pas te repentir. Il l'a tué. Vous voyez, quelqu'un qui vient de voir et dit, j'ai tué 99 personnes, tu lui refuses rien du tout. Hein? Mais le jahil, celui qui est ignorant, il parle, il y a un imam, il fait que. Vous voyez, il parle sans réfléchir aux conséquences. Vous voyez, Al-Kafara, l'expiation dans ce hadith, c'est. Ça c'est muhim jiddan. L'expiation c'est dans l'ordre, c'est pas au choix, parce que des fois c'est au choix, des fois c'est au choix, mais ici c'est pas au choix, c'est dans l'ordre. C'est à dire que si tu fais cela, tu dois affranchir un esclave. Si tu ne peux pas affranchir un esclave, alors à ce moment là seulement tu devras jeûner 60 jours. Si tu ne peux pas jeûner 60 jours, à ce moment là seulement tu devras nourrir 60 pauvres. Tu devras nourrir 60 pauvres. Quelques masailles se rapportant à Al-Kafara, à l'expiation. Premièrement, la Kafara qu'on vient de citer, l'expiation, c'est propre à celui qui jeûne dans le mois de Ramadan. Ihtiraman lizzaman, li hurmati zaman. Hadhihi al-Kafara wajibatun على من صام رمضان في شهر رمضان ثم وقع على أهله. مفهوم؟ Cette expiation est obligatoire à condition que cette personne-là ait eu un rapport avec son épouse en étant en état de jeûne dans le mois de Ramadan. Contrairement à celui qui rattrapait un jour du mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, puis a commis ce péché. Alors lui, il devra se repentir et rattraper son jeûne. Mais il n'aura pas cette expiation à faire. Est-ce que c'est compris? Celui qui rattrape un jour de Ramadan. Et dans ce jour, il a un rapport avec son épouse. Cet homme, on ne lui oblige pas, on ne lui dit pas de d'affranchir un esclave s'il ne peut pas de jeûner 60 jours, s'il ne peut pas de nourrir 60 jours. Pourquoi? Parce que cette expiation... elle a été instituée madha li hurmati zaman pour le caractère sacré du mois de Ramadan. Donc celui qui commet cette faute en dehors du mois de Ramadan n'aura pas cette expiation, mais il aura commis un péché, il devra se repentir et rattraper son jeûne, mais il n'aura pas l'expiation. Deuxièmement, celui qui fait cela dans un jeûne surrogatoire. Hein? Celui qui fait cela dans un jeûne surrogatoire, par exemple, une personne décide de jeûner demain, voyez, ou bien un jour de la semaine, il se dit on est dans le mois de Sha'ban, je vais faire des efforts. Puis, il a un besoin et un rapport avec son épouse. Est-ce qu'il a commis un péché? Est-ce qu'il doit rattraper son jeûne et est-ce qu'il a cette expiation? Non. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne surrogatoire. Et celui qui jeûne un jeûne surrogatoire, amiru nafsi. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il continue son jeûne. S'il veut, il coupe son jeûne. Comme quelqu'un qui est invité, par exemple. Il jeûne, mais il est invité chez de la famille ou autre. Est-ce qu'il coupe son jeûne surrogatoire ou bien est-ce qu'il le poursuit? Il a le choix. Il a le choix. Soit il poursuit son jeûne, il s'excuse. Soit il fait du'a pour malgré ceux qui l'ont invité et poursuit son jeûne. Une autre mas'ala, celui qui arrivait, on lui dit à franchir l'esclave, il dit je n'ai pas. On lui dit Mada, jeûne 60 jours, il nous dit je ne peux pas. On lui dit nourrir 60 pauvres, il nous dit je ne peux pas. Man ajaza an i'taqi raqaba, an i'taqi raqaba afwan, wa it'am 60 miskina. عفوا وصوم شهرين متتابعين وكذا إطعام ستين مسكينا ماذا يفعل؟ Celui qui n'a eu la capacité de faire ni l'un, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il doit faire? Naam. Il doit faire une sadaqa. Mais on vient de dire qu'il n'a pas la capacité. Le troisième, c'est quoi le troisième? Hein? C'est sadaqa, c'est le fait de nourrir 60 pauvres, mais il n'en a pas la capacité. Qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape la journée. Il rattrape le jour qu'il doit rattraper. Il a eu le rapport. Et s'il n'a pas, il n'a pas. S'il n'a pas, il n'a pas. Hein, non, s'il n'a pas, il n'a pas. Ça, c'est sûr. Taïe, qui a une autre réponse? Allahu Akbar. Adam Hamdallah a dit, si quelqu'un lui donne une sadaqa, il nourrit avec sa famille. Kalam wajih jiddan. Tayyib, quelle est notre réponse? Comment? Il est exempté jusqu'à ce qu'il ait les moyens. Non, ça c'est la vie d'une partie des savants. C'est-à-dire que tabqa fi dhimmati. Et kafara tabqa fi dhimmati. Donc ça reste, comment on va dire ça en français? En suspens, comme une dette. Hein? Et le jour où il aura les moyens de nourrir ses pauvres, alors il le fera. Est-ce que c'est compris? Ça c'est l'avis de certains saints. Le deuxième avis, c'est l'avis de Sofiane. S'il n'a pas, il n'a pas. D'accord? C'est-à-dire, et ça c'est tarjih de Cheikh Al-Zamin rahimahullah ta'ala. Ibn Al-Zamin dit Warrajih. Il dit la parole la plus plausible est de dire Alladhi la yajid ma bi yut'im 60 miskinan fi waqti fi al-waqt. طيب الذي يجب فيه تسقط الكفاره. Ibn Athim, rahimallah ta'ala, dit si au moment où il doit faire cela, il n'a pas les moyens, ben il s'envoie décharger. Khalas. Il s'envoie décharger. Est-ce que c'est compris? D'autres parmi les savants ont dit il fait ce qu'il peut. Il donne ce qu'il peut. D'accord? Et au moment où il pourra, au moment où il pourra, il complétera ce. Au moment où il pourra, il complète le ratio. Ça, c'est l'avis d'autres, de certains savants, et c'est un avis qui est fort, par sécurité. C'est un avis qui est fort, par sécurité. Taïeb. Les deux avis sont forts. Bilhaqiqa, les deux avis sont forts, wallahu a'lam. Taïeb. Pour les 60 jours, celui qui est capable de jeûner 60 jours, taïeb, c'est mutatabi, yani, il doit faire suivre les jours. Il n'a pas le droit de choisir. Par exemple, il jeûne 3 jours et il ne jeûne pas 1 jour, puis il rejeûne 2 jours et ne jeûne pas 2 jours. Là, c'est il doit faire suivre ses jours. Il jeûne tous les jours jusqu'à ce qu'il complète 60. Taïeb. Il jeûne tous les jours. Taïeb. Regardez, pour 1 jour, regardez, il se retrouve à jeûner 60 jours. Hein? Ça vaut pas le coup. Sahulala. C'est la même chose pour ceux qui font des jeûnes. Ils ne le savent pas, mais ça vaut pas le coup. Subhanallah. La personne s'est mis en colère contre quelqu'un et elle l'assassine. Elle fait un meurtre. D'accord ? Sur le coup, elle trouve un repos car elle s'est soulagée de cet homme qui lui a fait du mal. D'accord ? Mais vous savez, Yom al-Qiyamah, ce qui va se passer pour celui qui a fait un meurtre ? قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول برأس القاتل في يده بالدم ويقول يا رب سل هذا فيما قتل يا سبحان يوم القيامة la personne arrive avec يعني la personne qui s'est fait assassiner arrive avec la tête du meurtrier dans la main et il y a du sang qui coule. Et elle dit, ô Seigneur, demande à tel pourquoi il m'a tué. Vous imaginez la situation? Aqibatul dhunub. Alima shadida jiddan wa khim. Les effets des péchés sont néfastes à un point on ne peut pas imaginer. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité beaucoup de cela dans son livre Al-Jawab al-Kafi, la réponse suffisante à celui qui a posé la question. Il est connu sous le nom Ad-Dawa Ad-Dawa. Comme celui qui boit de l'alcool, ou il va avec des femmes, et ainsi de suite. 10 minutes de plaisir, et des années de regret. Hein? Comme celui qui fume. Taïb. 1 minute de plaisir, et des années de cancer. 1 minute de plaisir, combien de péchés? Il prend un péché sur lui-même, parce que son corps c'est une amana, il n'a pas respecté cette amana qu'Allah lui a donnée. Il prend des péchés pour tous ceux qui vont respirer sa fumée. Ce qu'on appelle le tabagisme passif, parce qu'il fait du mal aux gens. Il prend un péché pour sa famille. L'homme ne vit pas tout seul. Il va nuire à son épouse. Il va nuire à ses enfants. Il va faire du mal à ses voisins. Taïeb. Subhanallah. Donc les effets des péchés, c'est une chose très mauvaise. Taïeb. Quel mas'al n'avons pas cité? Taïeb. Une règle importante. لا يفطر الصائم أي لا يعتبر مفطرا إلا إذا فعل ما ذكرناه ما ذكرناه سابقا عالما به ذاكرا به عمدا. Donc trois conditions pour que on puisse dire de la personne qui a fait un de ses annulatifs, commis un de ses annulatifs, qu'elle a rompu son jeûne. Il faut qu'elle l'ait fait avec science. Deuxième condition, en se rappelant. Troisième condition, volontairement. Comme a expliqué Ibn Athaymin en détail. De cela, on comprend quoi? Que celui qui fait une de ces choses-là, mais sans savoir que ça annule le jeûne, ça ne coupe pas son jeûne. Ça ne coupe pas son jeûne. Et ne vous dites pas, mais qui ne sait pas que ça, ça coupe le jeûne? Beaucoup de gens ne savent pas. Wallahi, on a rencontré des Russes à l'étranger. Ils nous parlaient de l'islam dans leur pays. Certains boivent de l'alcool. Hein? Sans penser que c'est grave. Tellement qu'ils sont loin, ils connaissent l'islam que la ilaha illallah pour certains. Et encore, Allah a'alam, s'ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Véritablement. Taïb. Certaines personnes ne savent pas que lorsque tu pries, tu dois cacher ta aura. Combien viennent au masjid et lorsqu'ils prient, ils découvrent de leur partie. Donc ne te dis pas, tout le monde connaît tout le monde. Là. Donc la personne doit savoir que ça coupe le jeûne. Un exemple, celui qui ne sait pas que pendant le jeûne, tu n'as pas le droit d'exagérer lorsque tu fais al-istinshar ou al-istinthar. Taïeb, lorsque tu fais rentrer l'eau dans ton nez pour le wudu. S'il fait rentrer l'eau, ça coupe le jeûne. S'il le fait volontairement. Mais lui est ignorant de cela. Est-ce que ça coupe son jeûne? Non. Ça ne coupe pas son jeûne. Taïeb. Celui qui met un médicament dans son nez et ça entre à l'estomac. Et il ne savait pas que ça annule le jeûne. Ça coupe pas son jeûne. Celui qui fait un des annulatifs du jeûne sans savoir que ça annule le jeûne, ça ne coupe pas son jeûne. Taïeb. Et cela nous ramène à une question que j'ai oubliée, une question religieuse, concernant celui qui a des rapports pendant la journée de Ramadan avec son épouse. On lui dit, tu dois affranchir un esclave, il dit, je peux pas, j'ai 60 jours, il me dit, je peux pas, donc 60 pauvres, il dit, je peux, mais moi je ne savais pas que en faisant ça, j'allais devoir nourrir 60 pauvres. Moi je connaissais pas le jugement. Alors je suis excusé parce que je ne savais pas. Cette excuse-là est valable ou pas? On lui dit, est-ce que tu savais que c'était haram ou pas? Il va dire oui. On lui dit, ben tu as la kafara. Parce qu'on conditionne le fait de savoir que c'est un mal, pas le jugement. Pas le jugement. Hein? Celui qui sait que c'est un mal, il a le jugement. Cet homme, lorsqu'il est venu, il savait qu'il connaissait la kafara ou pas? Il ne savait pas la kafara, mais il savait que c'était mal. C'est quoi la preuve? Il a dit quoi? Halakt. Hein? Donc, on ne conditionne pas le fait de savoir le jugement, le mada, la sanction. Mais on conditionne le fait de savoir que c'est un mal ou que c'est interdit. Alhamdulillah, la zakkarani. Tayyib. Donc, celui qui ne savait pas, ça n'annule pas son jeûne. Deuxièmement, celui qui a oublié. Celui qui a oublié. Par exemple, il est malin, il mange. D'accord? Il mange. Et allez, certaines personnes ont des habitudes bien précises, fixes. Vous voyez? Pendant Ramadan, elle mange plus d'une fois par jour. Par oubli. Est-ce qu'on lui dit, khalas, toi t'as trop mangé, tu coupes ton jeûne? Non, on lui dit pas cela, on lui dit comme le prophète Arsalem. C'est Allah qui t'a nourri, c'est Allah qui t'a abreuvé, mais fais attention. Vous voyez? Mais fais attention. Certaines personnes, en leur parlant pendant la journée de Ramadan, mangent devant toi. Plus d'une fois, c'est arrivé. Tu parles avec quelqu'un, il sort par exemple d'un chewing-gum, pour ceux qui mangent des chewing-gums. C'est comme ça qu'on dit un chewing-gum. Ou un chewing-gum. Vous voyez, vous mettez un khilaf. Hein? Taïb. On va dire un malabar, ça c'est wadah. Taïb. Il mange devant toi. Ça s'est arrivé plus d'une fois. On lui dit, tu jeûnes ou tu jeûnes pas? Il dit, oh subhanallah. Il enlève son chewing-gum et il le jette. Wadah. Taïb. Cela n'annule pas son jeûne. Celui qui boit, cela n'annule pas son jeûne. Une fois un frère est venu, il a dit, ouais, mais moi j'ai bu, il y en a vraiment beaucoup. On lui dit, même si tu as bu un litre, deux litres, ça annule pas ton jeûne. Tant que c'était par oubli. Et le troisième point, c'est quoi? Amdan. Il faut l'avoir fait volontairement. Il faut l'avoir fait volontairement. Celui qu'on a contraint à faire un des annulatifs, cela n'annule pas son jeûne. D'accord? Cela n'annule pas son jeûne. Taïb, celui qui a contraint son épouse à avoir un rapport durant la journée de Ramadan. Il a la kafara, on a expliqué cela. Mais est-ce que la femme, elle, a la kafara? Hein? Si l'homme la contraint, si le mari la contraint, elle n'a pas la kafara. Elle n'a pas la kafara. D'accord? Si elle était consentante, les deux ont la kafara. Voilà. Les deux ont la kafara. Oui. Voici pour Al-Mufattirat. On va s'arrêter sur quoi? On va conclure sur quoi? Mustahabbatu siyam wa makruhatu siyam. Là, on va arriver au niveau de l'ihsan, de l'excellence dans ton jeûne. Tu dois viser le jeûne le meilleur, le plus haut, le plus parfait. Pour ce faire, il te faut connaître ce chapitre. C'est quoi? C'est des choses qui sont recommandées durant le jeûne, ou bien le mois de Ramadan, et les choses qui sont détestables. Premièrement, les choses qui sont recommandées durant Siyam, as-suhur, ou bien as-sahur. C'est quoi as-sahur? C'est le repas qu'on prend au moment du sahar, ou à la fin de la nuit, avant le fajr. D'accord? À la fin de la nuit, avant le fajr. Ce repas s'appelle as-sahur. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-sahur baraka. Prenez le repas d'avant le fajr, il y a dans cela la bénédiction. Et ça va expliquer cette bénédiction en disant que ça te donne la force pour jeûner. Deuxièmement, celui qui est réveillé avant le fajr pourra faire des du'as au dernier tiers de la nuit. Troisièmement, il ne rate pas la prière du fajr. Taïb. Et d'autres masalih. Il suit la sunna aussi. Il suit la sunna. Taïb. Parmi, taïb, il faut savoir que sahur yaqa'u bil qalil wa kathir. On ne conditionne pas d'avoir mangé beaucoup pour que il ait fait cette sunnah. Même s'il mange qu'une date, ou il prend un verre d'eau, il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. Taïb. La deuxième sunnah, ta'khiru sahur. Qurb al-fajr. Le fait de retarder le sahur, le plus proche du fajr possible. D'accord? Pendant longtemps, on nous réveillait au milieu de la nuit. Hein? On nous réveillait au milieu de la nuit. Et ceux qui mangeaient au dernier tiers de la nuit, on disait, toi t'as, tu jeûnes pas toi. Allez, toi t'as pas jeûné. Hein? Celui qui arrête, on va dire par exemple le fait de jeûner à 3h30, celui qui mange jusqu'à 3h10, hein? Nos parents disaient, toi t'as pas jeûné. Khalas. Hein? Allah Musta'an. T'as pas jeûné. Ou bien ceux qui viennent au Mesjid en avance. Et que le fait qu'il n'a pas eu, l'adhan n'a pas été encore prononcé, s'ils étaient vus en train de boire de l'eau, khalas. T'es pas un muslim, toi? Tu jeûnes pas? Eh, siyam, yabda ba'al al-fajr, yashir. Hein? Siyam, ça commence après le fajr, ça commence pas avant le fajr. Voyez? Donc le fait de retarder le repas, c'est une sunnah. Le fait de retarder ce repas, c'est une sunnah, le fait de le prendre tard. Mais avant le fajr, bien sûr. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils retarderont ما عجلوا الفطر واخروا السحور ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils retarderont tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne au maghrib et de retarder le repas avant le fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, ou un autre dit, Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Tayyib, ou bien c'est un sahabi qui demande à un autre, ou c'est un tabi'i qui demande à un sahabi, Tayyib, il lui dit, combien de temps il y avait entre le sahur et la salat? Le sahabi a répondu, Qadra khamsina aya. L'espace pour réciter 50 versets. Donc c'est pas beaucoup. Donc c'est pas beaucoup. Dans le recueil de l'Imam Bukhari, Muslim. Parmi les sunnahs, ta'jil al-fitr, le fait de rompre le jeûne rapidement. Hein? Certains entendent l'adhan, ils voient que le soleil s'est couché et ils disent attends, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Regarde ce qu'il a là. On va s'arrêter.